Sol, sol, sol. Dems. J'suis dans le bendo. Ça tire, ça tire, drive, drive en range, bro. Tant qu'en mytho, je ne comprendo. Ça nique des mères, y'a que ça à faire, gros. Ouais, ouais, ouais, ouais, sale. Calibre, j'suis dans le club. Calibre, j'suis dans le club. Broliqué, j'suis dans le club. Broliqué, j'suis dans le club. Calaché, j'suis dans le club. Calaché, j'suis dans le club. Broliqué, j'suis dans le club. Les mecs veulent de la peu proche, j'mets de la coca dans mon chiton. J'veux très très grosse bitch, juste un gros cul sur ma trique. Pas de liquide séminal, j'nique leur mère avec du Vix. Tes derniers comme les Sixers, t'as plus de buzz même quand ça ligue. On fait de la zik, mais pas de la zik molle. C'est pas du zouk, mec, ça parle de rue. Gun, drogue et alcool, ça parle de brut et net. Vécu et fiction, rage et colère dans ma diction. Le rap coûte cher son vue, donc t'as pas assez de flow pour l'addition. Dans l'ombre j'dormais des doigts, j'ai le majeur à Noob Saibot. Échec scolaire, j'étais de cela, aujourd'hui je règle la note. Je te marie si tu me dis oui, de façon poussée, j'ai déjà pas. T'as la quête d'Iglesias Henrik dans sa tête, je vois tu flottes. Dans so ouais. J'suis dans le bendo. Ça tire, drive, vibe en range, bro. Oh, comme Nico, je ne comprendo. Ça nique des mères, y'a que ça à faire, gros. Ouais, ouais, ouais, ouais, sale. Calibre, j'suis dans le club. Calibre, j'suis dans le club. Bon, niqué, j'suis dans le club. Broliqué, j'suis dans le club. Calaché, j'suis dans le club. Calaché, j'suis dans le club. Broliqué, j'suis dans le club. Ah ouais, ouais. OG, négro, fragile, on n'en veut pas. Just me, on assassine dans la veca. Toujours à faire du le sap. Ils ont roulé dans le que ça. Au Renoir, on est où là? Ferme ta gueule ou tu ne seras plus là. J'te le dis, mon négro, très énervé, je le suis. J'n'ai plus de carottes comme Thierry, j'y l'ai rodé. Autant de cash que d'OG. Autant de neuf que de I. J'ai le bras long, mais pas pour s'élever. Pirateur et mis du war à lever. J'avais un qui fort comme Pavarotti. C'est noir, ça brille comme Moguette le pied. J'me barre d'ici, ça sent le flic. Tu sais que ça sera noir vu le titre. J'avoue vénère seul en temps des 10. J'ai ça que bras ouverts comme Jésus Christ. Elle est bonne à vue cacher les hipsters. J'm'en bats les yeux d'être sur ta liste. J'suis en choqué donc c'est moi le VIP. Puis j'fais du sale puis j'fais du shit. J'suis dans le bendo. Ça tire, drive, vibe en range, bro. Oh comme Nico, je ne comprendo. Ça nique des mères, y'a que ça à faire, gros. Ouais, ouais, ouais, ouais, sale. Calibre, j'suis dans le club. Calibre, j'suis dans le club. Bon, j'suis dans le club. Broliqué, j'suis dans le club.